Bah, les gens d'EDF, au début, ils ont cru qu'ils... On a organisé une réunion contradictoire. En principe, les réunions contradictoires, c'est jamais des réunions contradictoires parce que les gens d'EDF se gardent bien d'y mettre les pieds. Ils organisent leur réunion à eux, d'Intox, de leur côté, avec les notabilités locales en général, qui font un peu pousser. Et là, c'était un peu une date historique parce que c'était la première fois que je crois en France qu'il y avait des dirigeants de la centrale nucléaire, des gens d'EDF. Qui étaient venus là en force, ils étaient au moins une quinzaine de techniciens d'EDF. Et ils étaient venus en se disant qu'ils allaient nous écraser de leurs compétences, vraiment nous ridiculiser, quoi. Et puis en fait ça s'est très bien passé pour nous, puisque surtout la salle a réagi très, très intelligemment, posé des questions auxquelles ils ne s'attendaient pas. Enfin, ils auraient dû s'y attendre maintenant. Vraiment. Le mythe du spécialiste omniscient était démoli là, lors de la réunion. Est-ce que c'est ces gens-là qui sont les plus compétents, ou bien est-ce que c'est les gens qui sont dans la région et qui risquent de subir la radiation qui sont les plus compétents pour prendre une décision sur l'implantation de la centrale? C'est-à-dire, prendre une décision, c'est pas une question de compétence, c'est une question de responsabilité et de la manière dont on est concerné. Justement, au cours de la réunion du 26 juin à Meximieux, ils nous ont dit, qu'est-ce que vous voulez, il y a des risques à courir, nous, c'est un argument absurde, quoi, absolument pas scientifique, mais ils nous ont pas sorti un seul argument scientifique, d'ailleurs. Et on leur a fait remarquer que ces risques, eux, ils les prenaient, mais nous, on les subissait. Nous, on les avait pas choisis. Et quand même, eux, ils prennent des risques pour avoir de hauts salaires, et des positions, enfin, une profession prestigieuse, et toutes sortes d'avantages matériels, nous on subit des risques pour que dalle. Enfin, si, on nous explique que la production d'électricité doit augmenter constamment pour que. Parce que, consommation. Relativement de ces problèmes, est-ce que ce mouvement va s'amplifier? Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui s'en occupent? Est-ce qu'il y a une coordination qui va se faire? Il va sûrement s'amplifier parce que quand on a commencé, il y avait FSNine en France, et maintenant il y a tout un tas de groupes qui se constituent. Aux abords de tous les complexes nucléaires français, qu'il s'agisse de centrales nucléaires ou d'usines de retraitement de combustible, de choses comme ça, la Hague, le complexe de Golfech en Tarn-et-Garonne, puis d'autres. Ça se développe surtout depuis, je peux le dire parce que c'est vrai, depuis la campagne que j'ai menée dans Charlie Hebdo. Fait que Charlie Hebdo était un journal de pointe dans ce domaine, vraiment celui qui a poussé les autres au cul et qui les a obligés. À dire ce qu'il y a problème dans la vie. Mais tu penses donc que sur le plan importance, ça va être un des mouvements les plus importants et même éventuellement qui pourrait prendre une valeur politique, disons. Moi je crois que, j'ai de bonnes raisons de penser, je me permets de penser, ça peut être une supposition personnelle, que le grand moteur révolutionnaire maintenant, c'est plus du tout la lutte des classes, c'est la lutte pour la survie, c'est la lutte pour pas crever dans 15 ans. Quoi. Quand on a une motivation pareille, faire la révolution ou pas crever, c'est une motivation qui l'emporte sur toutes les autres, et le thème de pas crever, ça devient le thème révolutionnaire par excellence, et le thème unificateur par excellence aussi, parce que là... Les riches et les pauvres travailleront de la même façon. Les riches seront plus longs à comprendre. Le micro-thémique.